Travailler. To work. Je travaille. I work. Je travaille. Vous travaillez. You work. Vous travaillez. Il travaille. He works. Il travaille. Nous travaillons. We work. Nous travaillons.